Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Jadis, les sangliers étaient un mets rare, goûté notamment par Obélix. Aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a trop de sangliers. Mobilisez vos modestes armes à feu. Vaudrait peut-être mieux ça que de dire adieu. Solitairement solidaire d'une terre prospère. Oserions-nous tuer ou laisser faire les sangliers, les rats musqués, sauvages, les marécages. Oh yeah! Oh yeah! Taïo! Vailati, vailati, no! Bonjour Fabrice Nicolino. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo et vous êtes l'un des initiateurs de l'appel des coquelicots pour l'interdiction des pesticides. Et ce Super Fail, il vous intéresse au premier chef parce que les sangliers que vous connaissez bien, eh bien ces sangliers sont aujourd'hui beaucoup trop nombreux. Alors il y a une actualité du sanglier puisqu'il y a la peste porcine, et c'est cela qui aujourd'hui met cet animal en lumière. Peut-être un mot tout d'abord sur la peste porcine, Fabrice Nicolino. Oh, c'est une maladie qui peut se transmettre, si vous voulez, c'est un des vecteurs de la maladie, c'est le sanglier. On l'a vu là, c'est un feuilleton qui dure depuis des mois en Pologne, parce qu'on parle de la France, mais en fait c'est un problème européen, international. En Pologne, il y a une traduction du quotidien de Varsovie qui annonce la fin des sangliers en Pologne, parce que figurez-vous que la peste porcine véhiculée par les sangliers est venue, semble-t-il, de Biélorussie, d'Ukraine et en Pologne, déjà, ils ont construit une sorte de mur façon Trump à la frontière mexicaine pour empêcher les sangliers de passer. Il y a des plans de chasse extraordinaires. Le gouvernement polonais a fait abattre 1 million de sangliers, ce qui est colossal en Pologne. Malgré tout, la peste porcine progresse. Et bien sûr, étant entendu que c'est une maladie potentiellement mortelle pour les porcs, qui sont des animaux extrêmement proches génétiquement des sangliers sauvages, eh bien évidemment, si la peste porcine se transmet aux troupeaux de porcs domestiques, c'est un peu la fin des haricots, si vous me permettez l'expression. Est-ce qu'on a une idée sur la cause de cette peste porcine? Pourquoi maintenant, Fabrice Nicolino? Si vous voulez, c'est le principe d'une épidémie. Si la maladie existe chez les sangliers, et elle existe hélas chez les sangliers, et que les sangliers se multiplient et n'arrêtent pas de circuler, ce qui est le cas, il est évident que les foyers d'infection se multiplient. Les chiffres sont effarants quand on y réfléchit calmement. En 1977, figurez-vous qu'on tuait environ en moyenne 60 000 sangliers en France. Mm-hmm. Les chasseurs, bien sûr. Mm-hmm. En 2013, on était passé à presque 600 000, c'est-à-dire 10 fois plus. 600 000 sangliers. Ah oui. 600 000 sangliers tués, c'est-à-dire 10 fois plus qu'en 1977. Et aujourd'hui, la dernière année connue, c'est 2017, je crois, c'est 692 000. Donc, et non seulement on en tue donc presque 700 000, et bientôt demain 1 million, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les chasseurs, dont le nombre décroît régulièrement, les chasseurs n'arrivent plus à faire face. C'est-à-dire qu'il y a des plans de chasse par département, c'est-à-dire on se met d'accord, on dit dans le Var, par exemple, eh bien, les chasseurs ont le droit de tuer X milliers de sangliers. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. J'ai vu les derniers chiffres pour le Var, mais c'est extravagant. On a tué en une année 25 000 sangliers dans le département du Var. Oui, c'est la population d'une petite ville, c'est hallucinant. Et malgré tout, la population de sangliers continue à augmenter. Il faut rappeler à nos amis citadins, parce que nous en avons, qui nous écoutent, que le sanglier est un animal dangereux. Oui, enfin dangereux. Il faut pas non plus exagérer. Hein, je veux dire, mais bien sûr, c'est un gros animal, c'est un gros mammifère. Certains ont des défenses tout à fait considérables. Il leur arrive d'embrocher d'autres êtres vivants et parfois des hommes, rarement, mais tout de même. Bien sûr, c'est des gros animaux qui sont puissants et comme tous les animaux sauvages, quand ils se sentent menacés, quand leur progéniture leur paraît menacée, ils peuvent se montrer extrêmement agressifs, violents et chargés. Mais oui, il est aussi méchant involontairement parce que évidemment, s'il se balade sur les routes, il se met en danger, autrui. Parlons-en. On pense qu'il y a environ en France actuellement 60 000 accidents sur la route qui sont liés à la présence de ce qu'on appelle le grand gibier. Sur ces 60 000 accidents annuels, il y a plus que la moitié qui sont liés directement à la présence de sangliers. Vous imaginez ce que ça veut dire? 30 000 ou 35 000 ou 40 000 accidents sur la route chaque année liés à la présence de sangliers. C'est extravagant. Ça veut dire des dizaines de morts humaines, des humains comme vous et moi, qui sont tués parce qu'il y a des sangliers qui divaguent sur la route. Des dizaines de morts chaque année. On devrait en parler tous les jours. Mais on n'en parle pas et je vais essayer de vous expliquer pourquoi après. Les dégâts faits aux cultures, c'est extravagant. On pense que les fédérations de chasse sont contraintes de payer 50 millions d'euros pour des dégâts faits aux cultures en France, un chiffre évidemment en constante augmentation, mais surtout, il y a un nombre très important de dégâts qui ne sont pas déclarés parce que les gens en ont marre, c'est très compliqué, c'est bureaucratique. Donc si vous voulez, la situation, c'est une situation d'urgence nationale. C'est ça la vérité, situation d'urgence nationale avec des dizaines de morts, des milliers d'accidents sur la route, des dégâts extravagants faits sur les récoltes des paysans. Alors pourquoi on fait rien? Ça, je pense que c'est lié à la structuration des pouvoirs en France. Vous savez, c'est pas un secret d'État. Le pouvoir des chasseurs est tout à fait extravagant dans ce pays. Les chasseurs sont convoités. Le potentiel électoral du monde de la chasse est convoité tantôt par l'extrême droite, tantôt par le Parti communiste. Ça, je parle du passé plutôt. Et aujourd'hui par Macron, qui copine, comme vous le savez, avec les lobbyistes de la chasse, Thierry Coste, qui l'a reçu la veille du jour de la démission de Nicolas Hulot. Bref, il y a une sorte de consanguinité générale. Le potentiel électoral des chasseurs est toujours en ligne de mire, si j'ose employer cette expression-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les sangliers? Eh bien, écoutez, la civilisation paysanne, là non plus, ça n'a échappé à personne, a disparu. Les paysans ont quitté les campagnes par millions à partir de la fin des années 50, surtout à partir de la fin des années 50, ça avait commencé avant, mais dans le grand choc civilisationnel, c'est la fin des années 50, et bien sûr, les chasseurs se sont retrouvés à gérer moins nombreux, et beaucoup en ville ont été mis devant la gestion d'un patrimoine naturel colossal. Les chasseurs urbains notamment, qui jouent un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croit dans le pouvoir des fédérations de chasse, ont voulu, parce que la chasse est devenue un loisir, massivement c'est devenu un loisir, comme une résidence secondaire, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, ils ont voulu des sangliers partout, parce que c'est un beau gibier, c'est vraiment glorieux de buter un sanglier, enfin, pas pour moi bien sûr, et donc ils sont lancés dans des opérations folles. L'agrainage par exemple, l'agrainage c'est très simple, vous mettez du maïs dans des endroits où vous souhaitez donc du maïs pour nourrir artificiellement des sangliers, sur des spots, au carrefour d'une forêt, ou même sur de longues lignes à l'intérieur des forêts, parce que comme ça vous êtes sûr que le moment venu, quand vous allez sortir votre gibecière et votre fusil, vous trouverez des sangliers. Donc on a agrainé massivement, ça continue, hein, l'agrainage continue, c'est-à-dire que on artificialise complètement cet univers naturel de jadis. Ensuite, il y a eu des phénomènes, comme partout dans le reste de la société, d'industrialisation de la chasse par l'élevage massif dans des conditions, alors dans des enclos très larges avec des dizaines ou des dizaines voire des centaines d'hectares, mais les enclos très souvent ont pas été entretenus, les sangliers, beaucoup de sangliers sont enfuis, il y a eu des phénomènes de consanguinité d'ailleurs avec des cochons domestiques, hein, au point qu'on parle souvent de cochons sangliers pour parler de cette nouvelle espèce hybride qui prolifère parallèlement à la prolifération des vrais sangliers. Les sangliers ont été protégés, ils ont été favorisés autorisé par les fédérations de chasse pendant des dizaines d'années. C'était merveilleux. Vous comprenez bien que c'était pas merveilleux. Vous sortez dehors et vous êtes sûr de ramener un sanglier et quoi de meilleur. Sauf que c'est l'affaire très très habituelle de la créature de Frankenstein. Il est clair que la situation générale a échappé au concepteur d'ensemble du plan qui n'en est d'ailleurs pas un. Et les sangliers ont commencé à proliférer. Alors, sur fond de déprise agricole. Donc, déprise agricole, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de territoires qui sont favorables à la présence de sangliers. Auparavant, il y avait des paysans partout, dans chaque champ, pratiquement. Il y avait extraordinairement peu de terres non cultivées. Les forêts étaient relativement limitées en France. Là, c'est un phénomène général d'ensauvagement de la France qui permet à des animaux sauvages comme les sangliers, et pas seulement eux, hein, les cerfs, les chevreuils et d'autres encore, et d'ailleurs ça permet, c'est une des explications du retour du loup en France, sans aucun doute possible, donc ensauvagement, et les sangliers prolifèrent parce que des hommes ont voulu qu'ils prolifèrent. Évidemment, ils croyaient, dans leur sentiment de toute puissance, qu'ils sauraient arrêter l'affaire en route, mais ils n'ont pas pu, et comme leur pouvoir politique est considérable en France, considérable, personne n'ose dire la vérité. Et la vérité, ce serait que l'État ou la société reprenne la main sur ce dossier de la chasse, fasse en sorte tout de même, ces gens-là ne sont pas propriétaires. Je veux dire, j'admets parfaitement qu'il y a des chasseurs, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fusiller les chasseurs, mais ils ne sont pas propriétaires de la France. Et ça, j'aimerais le dire avec clarté. La France appartient à tous ses habitants. Et il est sûr que les chasseurs ont créé un problème, ont contribué à créer un problème national considérable. Ils n'en payent pas le prix, ils n'en payent pas le prix matériellement, financièrement, ils n'en payent pas le prix politique parce qu'ils sont absolument protégés, mieux protégés que n'importe quelle autre espèce, croyez-moi, par le pouvoir politique en place. Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup aujourd'hui, Fabrice Nicolino, puisqu'on a bien compris que ça n'était pas une bonne idée de laisser proliférer les sangliers? Une chose qui est certaine et qui est simple à comprendre, c'est que tous ensemble, l'intelligence collective, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des ébauches de solutions dans la tête d'un certain nombre de responsables. Le problème, c'est que le cadre n'existe pas. Le cadre politique d'une réflexion suivie d'une action immédiate n'existe pas. Parce que le lobby de la chasse est trop puissant et que les bonnes questions ne peuvent pas être posées. Donc il faudrait, en effet, revoir la totalité de dispositifs d'occupation de très grandes surfaces en France. Bien sûr qu'il faut y associer les chasseurs, il est impossible de faire autrement. Il faudrait aussi y associer les paysans, parce que croyez-moi, il y a des tensions, même si beaucoup de paysans sont chasseurs et beaucoup de chasseurs sont paysans, il y a des tensions croissantes entre paysans et chasseurs. Et l'urgence pour moi, ce serait de convoquer dans la clarté, dans la liberté, dans la responsabilité, un grand rendez-vous national où ne seraient pas représentés que les chasseurs, où les chasseurs seraient là, où les paysans seraient là, où les gens qui veulent protéger la nature, dont je suis bien sûr, seraient là, et où le pouvoir politique se comporterait comme le garant de l'intérêt de tous. Mais ça, je n'y crois pas, c'est un peu un conte du Père Noël, et je n'y crois pas beaucoup. On est dans une impasse historique, à mon sens, on est face à un problème totalement sous-estimé, on n'ose pas dire la vérité, parce que des intérêts sont en jeu, et des lobbies sont présents, et des intérêts politiques sont en jeu, et tant qu'on en sera là, je crains qu'on se contente de mesures cosmétiques. Peut-être que ça a marché, sait-on jamais, pour quelques années en tout cas. C'est pas impossible, vous savez, les moyens techniques sont souvent impressionnants, mais je crois qu'à l'arrivée, on aggravera la situation, parce que la question, la vraie question, les vraies questions ne seront pas posées. Merci beaucoup Fabrice Nicolino. Je rappelle que vous êtes journaliste à Charlie Hebdo et que vous êtes l'un des initiateurs de l'appel des coquelicots pour l'interdiction des pesticides. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Jean-Guilain Meige à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.